Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort lente. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ses morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vide, ainsi fantastiquement disponible et vide aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé bardo. Livraison du barda de vivre aux exigences du non-moi. Le bardo est l'affre de mort dans lequel le moi tombe en flaque. Et il y a dans l'électrochoc un état flaque par lequel passe tout traumatisé. Et qui lui donne non plus à cet instant de connaître, mais d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. La magie de l'électrochoc draine un râle. Elle plonge le commotionné dans ce râle par lequel on quitte la vie. Or, les électrochocs du bardo ne furent jamais une expérience. Et râler dans l'électrochoc du bardo, c'est déchiqueter une expérience sucée par les larves du non-moi et que l'homme ne retrouvera pas. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du bardo et le bardo de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres et la vie a baissé d'un cran. J'y ai connu ces moléculations souffle après souffle du râle des authentiques agonisants. Je suis présent, je vis, je travaille, mais je ne vivrai plus comme avant. Perte d'un pan de l'euphorie de vivre, connue d'un jour à se sentir vivant. De plus, l'électrochoc, comme le bardo, crée des larves. Il fait de tous les états pulvérisés, pulvérisés du passant, de tous les faits de son passé, des larves inutilisables pour le présent et qui ne cessent d'assiéger le présent. Or, je le répète, le bardo, c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi, artificiellement, la mort, comme la médecine présente l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néon qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps, en fait, depuis un certain point du temps. Lequel ? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques... C'est une clarification de la pensée par matérialisation. Fifi a une idée, ou Riri ou Loulou, peu importe. Il va mettre de l'eau dans une baignoire et en fait l'abreuvoir du cheval va remplir pas complètement la baignoire d'eau. Il va mettre de la mousse dans la baignoire, un lit de liège. Ça, c'est une clarification de la pensée. C'est une clarification de la pensée par matérialisation. Fifi, Riri ou Loulou se sert de la baignoire abreuvoir comme une clarification de la pensée. Cette pensée est quoi que tu penses, pense à autre chose. Si la pensée est quoi que tu penses, pense à autre chose, Fifi, Riri ou Loulou, peu importe, applique cette pensée. L'un des trois pense à un cheval, cette pensée les amène, l'amène à penser à une baignoire abreuvoir, comme on peut voir dans les champs, à la campagne, dans laquelle il va placer de l'eau, de la mousse et du liège pour la forêt. Mais on pourrait se demander si Fifi, Riri, Loulou, avec cette baignoire, cette incarnation de la pensée avec la matière, ne fait pas un amalgame entre le cheval et le loup. Le cheval, c'est l'abreuvoir, et le loup, c'est la mousse dans les bois, ou se déboit. Et c'est pas aussi simple. Fifi, Riri et Loulou disent quoi tu penses, pense à autre chose. Si Fifi pense à un cheval, alors Riri pense à un bonnet, et Loulou pense à une selle de cheval. Si Fifi arrête de penser au bonnet, alors il va penser au cheval, il va penser au cavalier, il va penser à la carrière, il va penser à la compétition, aux obstacles, au dressage, au cheval, à l'équipement, aux bottes, à la culotte de cheval, aux éponges, à la cravache, au poil du cheval, à la brosse, à l'étrier, au bouchon, à la verrie, au piquet, il faudra monter pour le cheval. Mais s'il décide de complètement oublier le cheval, alors il va penser. Riri pense à un bonnet, c'est un petit cheval, un bonnet. S'il arrête de penser à son bonnet, il peut se dire, pour arrêter d'y penser, mais en gardant la même veine, tout est divisé par deux, comme la taille du bonnet. C'est un cheval divisé par deux, même plus des fois. Et là, il arrête de penser. Si Riri arrête de penser bonnet, il va penser aux dinettes qui sont une cuisine divisée par 10, mais non fonctionnelle. C'est l'image d'une cuisine. Mais un bonnet, c'est pas l'image d'un cheval. Alors Riri divise tout par deux pour éviter de penser au bonnet. Puisque quoi qu'on fasse, il faut penser à autre chose. Quoi qu'on fasse, il faut faire autre chose. Et Loulou pense à un loup dans la forêt, qui va penser à la forêt plus qu'au loup. Dans la forêt, il y a du liège, et de la mousse. Comme s'il y avait une baignoire sous la forêt. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau dans la baignoire, la mousse qui pousse sur l'eau dans la baignoire, en il y a le liège. Et quoi qu'on pense, faut penser à autre chose. Et quoi qu'on pense toujours à la chose auquel on vient de penser. pensée, on essaie de la développer, de lui réinjecter du sens profond. On ne peut pas partir de rien. C'est pour ça que Fifi, Riri, Loulou pensent d'autres choses en restant sur le cheval, le poney et le loup. Ils pensent pas aux animaux, mais à ce qui les entoure. Ainsi, ça leur permet de penser à toute autre chose, mais en restant dans la même veine. On ne peut pas partir de rien pour penser que les pensées s'enchaînent les unes les autres, je crois. Froissé. Croqué. Bruyante. Froissé, écrasé, brisé, croqué, croquante, craquante, bruyante. Froissé, écrasé, brisé, croqué, croquante, craquante, bruyante, compactée, repliée, compactée. Replier, compacter. Bruyante. Brillante. Froissé, écrasé, brisé, croqué, croquante, craquante, bruyante, brillante, pliable, plié, replié, replié, replié, compacté. Brillante, brillante, pliable, plié, replié. écoute. Brillante. Brillante. Réfléchissante. Bruyante, brillante, pliable, pliée, repliée, compactée, compactée, brillante, moirée, réfléchissante. Élastique. Apathique. Protectrice. Transparente. Élastique. Miroitante. Apathique, vulgaire, imperméable, plastique, repliée, réfléchissante, brillante, transparente. Святый мне упокой, Христе, душу рабы Твои, я новопреставленный Анну. И где же мне из болезни печального вздыхания, но жизнь бесконечна?

Yeah. Wow. A trocado capa causti duple elasti feli ferro fuga histori, loco alubrimendi múltiple organi periodi plasti publi, rapa recipro rusti saga simplite na velo vera viva, onívora, cidade. City, Cité. A trocado capacauste duple laste feri fero fugi stori, loco lubrimendi multipli organi periodi plasti pubi, rapa recipro russi saga simpite na vela vera viva, omnivora, cidade. City, city. A trocado capacauste, laste laste feri fero fugi stori, loco lubrimendi multipli periodi plasti pubi, rapa recipro russi saga simpite na vela vera viva, omnivora, cidade. A trocado capacauste, duple laste feri fero fugi stori, loco lubrimendi multipli organi periodi plasti pubi, rapa recipro russi saga simpite na vela vera viva, omnivora, cidade. City, city, city, city. Ah. Get it. H comme code. H comme repère. H comme signal. H comme sonnerie. Comme ticket. Comme panneau. Comme balise. H comme horaire. Comme parlophone. Comme carte. H comme habanera. H comme écouteur. Comme logos. Comme cadran. Comme PFTS. Comme contribution brute. H comme Telex. Comme symbole. Comme langage ou COBOL ou Fortran ou BASIC ou DLI ou APL. H comme flash. Comme câble. H comme AIC. Comme analyse. Et comme réunionite. Et comme bilan. H comme chiffre d'affaires. Ou comme comptabilité analytique. Et comme rigolade. Et comme budget. H comme effet pervers. Et comme statistique. Et comme ratio. H comme âge. Et comme note de service. Et comme fond de roulement. Comme actif net. Et comme chaussée d'Antin. Et comme carrefour. H comme agio. Et comme spread. Et comme contrôle. Et comme trésorerie. Et comme contentieux. H comme halbi. H comme pépin. Comme hebdomadaire. Et comme coup de fil. Et comme rendez-vous. H comme échéance. Comme règlement judiciaire. Comme concurrence. Et comme comité. Et comme vacances. H comme peau de banane. Comme repos. H comme halbrand. Ou comme crise. H comme reprise. Et comme cyclique. Et comme assemblée générale. H comme toujours. Comme la roue tourne. Comme entreprendre. Comme conjoncture. Comme créneau porteur. H comme hobby. Comme week-end. H comme course contre la montre. Comme machine à écrire. Et comme enfoncer son clou. H comme lecture. H comme micro. Et comme ciseaux. Et comme scotch. H comme patience. H comme à longueur de. H comme halegré. H comme correspondance. Comme festival. Et comme de ci, de là. Et comme track. Comme impondérable. Comme Revox A700. Et comme la voiture qui passe. Et comme à refaire. H comme disque. H comme pourquoi pas. H comme halict. Et comme viens des soirs. Et comme c'est tout simple. H comme surtout pas d'histoire. Comme je ne sais pas, je ne sais pas. Comme panne sèche parfois. Comme Ravaillac tu connais. H comme le téléphone. H comme alliantique. Comme thérapeutique. Comme contrepoids. H comme tendresse aussi. Comme contre-attaque. Et comme contre-contre-façon. Et comme l'évidence même. Et comme il serait temps. Et comme course de haie. H comme haletant. H comme absolu, H comme halieutide, H comme c'est comme ça, c'est comme ça, H comme j'adore les chats, comme en êtes-vous sûr, comme parfois ce n'est pas comme orgasme, comme le doute aussi parfois, souvent, H comme dans l'espoir de ou en désespoir de, H comme oliple, H comme je vous assure, comme tout net, coupons là. Et comme nous tous qui. Et comme n'est-ce pas, H comme ne penses-tu pas, H comme ne crois-tu pas. Et comme Adèle H comme fichu boulot, H comme vraiment ça suffit, comme assez, assez, comme stop, comme point final. Devinette. 10 mots se sont glissés là, les 10 premiers mots de la lettre H du Robert que je ne connais pas. C'est à qui les trouvera. Ooh. Umu, mumu, mumum, umumum, umumumu, Shasha, ka, ka, ka, ka, ka, ka, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, tuk, tuk, tuk, te te te te tet et et et et put put put pup pup pu, pup, uyu, yuyi, ich, ich. At, at, dat, dat, d, u, o, ai, i, it, it. dit, dit, o, o, o, u, ui, u, ut, ut, tut, ut, d, d, d, d, d, diu, diu, di, di, u, di, o, di, o, a, di, i, di, j, j, jit, jit. Uk e, uk e, r, pup, pu e, r, pup, r, rk. Äpplum, äpplum, pupplum, urk, urk, kerplum, kerplum, kerplum, u, i. In, in, in, e, n, e, n, n, in, e, n, n, n, ep, b, ep, m, b, m, p, b, b, b. Thank you.